BMK, Showtime, Vidange, Figueras, soirée Lloré, Delmar, retour, Jonquera, charge le coffre, passe la douane, ravitaille les potes, en clope et Sky, Air Max, Lacoste, Polo Ralph, chaîne en or. Grenka dans le poste, mauvais oeil, rien que ça, j'entends 17. Les rails par recouvre cette putain de ville de stickers pour la sortie de mon premier pressage. Vont dans les rues, bien plus que la Fnac, plus de cri que de bénéf. Normal, bienvenue dans le game, les frères, la dalle, la cover de l'album des pierres tombales. Je raconte la vraie histoire du rap. Néandertal, déterre des fossiles presque aussi vieux qu'Ariel Tombal. Whisky, Z là de barreau, je serai le trompe, pas te trompe, pas te manque pas. Si Apple compte croit pas que c'est pas grave, on sera toujours hardcore avec les poucaves. Parlant code sur le portable, Victor, Ego, Nova, Delta, Ego, Tango, Tango, Alpha. Je voulais être Pablo, Tony, Manny, Sosa, consomme, mais faut que cette merde comme si c'était légal. Rentre en studio en clair, la part du Mola. C'est comme Canal en clair, ça pue la weed et le sky. Collage après collage, freestyle après freestyle. Prêt pour le décollage, je voulais finir rockstar comme Kurt Cobain, mais sans ce bon vieux fusil de chasse. Dans mes souvenirs, le son était bon, la ville était folle, les meufs étaient chaudes. Shit sous les ongles, collage Rizla, marron. Dans ma team, pas de patre, rien que de lascar haut dans l'angle. Oh la puto, des lascar haut dans l'angle. Dans mes souvenirs, le son était bon, la ville était folle, les meufs étaient chaudes. Shit sous les ongles, collage Rizla, marron. Dans ma team, pas de patre, rien que de lascar haut dans l'angle. Entiendes coño de lascar au dans l'ombre. J'voulais marcher sur la lune, décrocher les étoiles comme un rescapé de Hot Vista Hollywood Boulevard comme Eltas, Keltas, mi fait Westham dans le boot. Quand j'ai fait mes armes sur le bitume sans amertume, j'ai fait mon temps. Argent facile, les rimes faciles, la vie vacille entre spliff, bouteille et filles faciles. Putain de perquise, mais à culpa tête de coupable, j'ai souhaité tant de fois la mort à tous ces bâtards. Alors que j'accompagnais mes proches pour un dernier voyage, je leur rendrai hommage dans bon nombre de mixtapes, d'albums et de sale tracks. Sartek, t'as le dernier Startac. Y'a que les quadras ou presque qui savent de quoi je parle. Old school comme la conso grattée sur les culs, savent. Les 500 L et Visna et Cortez, Vescarart. Golf de Monte Carman, BM36 M3. Je raconte ma vie comme un prof d'histoire sous Exta. Que des faits exacts, il en considère ma mémoire intacte. Dans mes souvenirs, le son était bon, la ville était folle, les meufs étaient chaudes. Shit sous les ongles, collage Rizla, marron. Dans ma team, pas de patre, rien que de lascar haut dans l'angle. Oh la puto, des lascar haut dans l'angle. Dans mes souvenirs, le son était bon, la ville était folle, les meufs étaient chaudes. Shit sous les ongles, collage Rizla, marron. Dans ma team, pas de patre, rien que de lascar haut dans l'angle. Entiendes coño, des lascar haut dans l'angle. Dans mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs, mes souvenirs.